Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Fats Waller, pianiste de génie et géant du jazz. Fats Waller était vraiment le père de musique jazz. Pas seulement le père de la musique, mais le père de l'esprit de la musique jazz. Pour Luther Anderson, compositeur à Broadway, qu'on entend en 1980 à la télé française, le nom de Fats Waller est indissociable de l'histoire du jazz. Pianiste virtuose, compositeur prolifique, Fats Waller, qu'on considéra comme le meilleur pianiste des années 20, laissera au jazz quelques-uns de ses plus grands classiques, Ain't Misbehavin', Black and Blue ou Honeysuckle Rose. On raconte que Fats Waller, qui pesait près de 300 livres, qui buvait ferme du bon gros gin et mangeait à se défoncer, était d'une générosité gargantuesque. Il prêtait à ses amis avant même que ceux-ci soient dans le besoin. Riche un jour, cassé comme un clou le lendemain, il a brûlé par les deux bouts la chandelle de sa vie. Il est mort à 39 ans, à bord d'un train qui traversait l'Amérique, comme Fats avait traversé sa vie, à toute allure. Sur ce classique de Fats Waller, la pièce Honeysuckle Rose, vous entendiez Lisette Gervais esquisser rapidement quelques grands traits de la personnalité de Fats Waller à l'émission Broadway Chante et Danse en 1985. Pour nous parler de ce géant du jazz, mon invité, l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour. Avec le temps, il est passé un petit peu à l'oubli, Fats Waller, mais il a été quand même très, très important. Luther Anderson disait que c'est un incontournable de l'histoire du jazz. Pourquoi? De quelle manière il a été si important dans l'histoire du jazz? Il a apporté quelque chose, ne serait-ce que dans la façon de jouer le piano. C'est-à-dire que, bon, depuis Jelly Roll Morton et depuis U.B. Blake, en fait, tous ceux qui ont mis les bases de cette forme de piano, ils jouaient très bien et très rapidement, mais il va dépasser le côté pianistique qui va être sublimé 10 fois plus encore par un jeune qui va s'appeler Art Tatum. Mais Waller, quand on l'écoute jouer, il est à la fois extrêmement rythmique et d'une grande légèreté. On a tellement l'impression qu'il effleure le clavier. Et ça, ça a été vraiment une révélation. La musique de jazz, à l'origine, dans les années 1900 ou 1910, c'était une musique qui était tonitruante parce qu'elle était jouée par ce qu'on appelle les marching bands, donc beaucoup de trompettes, de clarinettes et tout ça. Et quand la possibilité d'entendre du piano dans les lieux publics et après ça sur les disques, cette chance-là nous a été donnée d'entendre le jazz sous cette forme, les pianistes avaient tendance à jouer beaucoup plus plaqué. Et Fats Waller, par nature et par un goût de finesse, bien que lui soit énorme physiquement, avait vraiment une façon de jouer qui était pratiquement comme si c'était une gazelle sur le clavier. Donc, grande virtuosité. Et oui, et beaucoup de... Je reviens encore, la finesse harmonique. Il allait chercher des accords peut-être beaucoup plus en avant sur son temps. Il va ouvrir la belle voie pour tous les pianistes des années 30, 40 et ceux qui vont suivre. Beaucoup vont se... Notamment Herlines ou encore Teddy Wilson... par le jeu de stride, ils vont tous se revendiquer de Fats Waller. Donc, il ouvre quelque chose, une tradition qui soit avec lui. Puis c'est un joyeux luron, ça, on va y revenir, mais ça fait partie aussi du fait qu'il a été important. Une bête de scène, vraiment. Ah, littéralement. Ouais. Quand on voit les films, parce que, bon, heureusement, le cinéma nous a gardé des images totalement loufoques, il faisait faire comprendre à son public que le jazz, d'abord et avant tout, c'est le plaisir. Ouais. Plaisir coupable, certes, plaisir condamnable, peut-être, mais plaisir tout de même. Alors, les chansons avec des sous-entendus grivois, des petites œillades à la caméra et des inflexions de voix qui font « Ah, je vais vous montrer que, ah oui, moi j'aime les femmes, mais je les aime chaudes. » Vous voyez, c'est ce genre de répertoire-là, il l'appliquait et c'était à l'image même de sa vie de noctambule invétéré. Ça arrive quand, la musique? Il naît à New York en 1904, Fats Waller. La musique arrive assez vite dans sa vie. Tout à fait, et pas nécessairement sous le signe de la bonne humeur comme on vient de l'évoquer. Parce que parce que ses parents sont des pasteurs, vous voyez. Son papa, ils font partie de ceux qui, dans la communauté noire, aiment beaucoup aller faire les prédications. Donc, très jeune, la musique que Fats entend, c'est beaucoup plus la musique de Godspell ou de Negro ouais. Spirituals qui incite à la prière. Et même le père, se rendant compte du talent de son fils, l'incite très jeune, déjà à 6 ou 7 ans, à venir jouer durant les cérémonies. Ça, on va dire que ça apporte un peu le chaland en même temps, parce que de voir un enfant avec un si beau talent louanger tout ce que Dieu peut nous donner et voyez mon enfant comme il joue bien. Ouais. Or, à un moment donné, il va se passer un clash effrayant comme dans plusieurs familles, c'est-à-dire que le papa voudrait bien que son fils marche dans les mêmes travées du Seigneur que lui a emprunté. Or, Fats, sa musique, lui, il est jeune et fougueux ouais. et il se trouve dans un vivier formidable. En étant à New York, il entend cette musique qui est toute nouvelle, le jazz, et le piano stride est en train de venir au monde avec, entre autres, une des figures emblématiques qui est James P. Johnson et qui ouais. lui rendra de faire service par la suite. Et c'est cette musique-là qui, lui, l'attire. Alors, il se retrouve non pas déchiré, mais ça va vraiment créer une espèce de scission entre son père, beaucoup plus traditionnaliste, et lui qui a le goût ouais. de s'émanciper. Il choisit la noce new-yorkaise plutôt que l'église. Cette manière de jouer dont vous parliez, Steve Normandin, on l'entend parfaitement dans cette reprise par Fats Waller de ce classique de James P. Johnson dont oui. vous parliez, Carolina Shout. Il reprend donc la pièce de ce qui sera son maître à un moment donné. Il sera très important pour lui, James P. Johnson. C'est pratiquement sa vraie figure paternelle, parce que quand Fats Waller décide, le jeune Thomas, c'était son vrai nom, quand Fats Waller décide de quitter le nid familial après une colère homérique de son paternel, il ne trouve pas d'autre moyen que d'aller se réfugier chez cet homme qui l'accueille en lui disant « Écoute, on n'est pas riche, mais... on a au moins un lit et surtout un piano, je vais te faire travailler. » Il ouais. va lui donner à la fois le goût de la musique, les trucs de ce qu'il connaît sur le moment. Il va lui ouvrir certaines portes parce que quand même, James P. Johnson, c'est un compositeur. Il va le présenter à des éditeurs alors qu'il a à peine 15-16 ans, mais il perçoit déjà en ce jeune talent un potentiel extraordinaire et va tout faire pour que le talent de Waller se fleurisse et devienne ce qu'on va connaître par la suite. Donc, à un moment donné, il va avoir la chance de participer à un concours amateur, comme on dit, et ce concours le fera connaître de toute la communauté new-yorkaise ouais. parce qu'on se dit qui est ce jeune homme qui joue d'abord à une vitesse. C'est cette pour pièce qu'il va jouer, entre autres, Carolina Shout. Oui, et non seulement il va magnifier la pièce, mais aujourd'hui même encore, on l'identifie davantage à son interprète et à son interprétation grâce au disque qui nous ouais. est resté qu'à son compositeur qui, pourtant, de son temps, était un des plus célèbres pianistes de jazz de la ville de New York. Et là, c'est parti, donc. Il devient très, très vite, on reconnaît ce talent dont vous parliez, il devient très, très vite populaire. Au début des années 20, vraiment très grande popularité. Il joue dans les boîtes de nuit, dans oui. ce qu'on appelle les rent parties. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette période de la carrière de Fats Waller. Pour lui, c'est une espèce de plateforme formidable parce qu'il se permet toutes les plus grandes frivolités avec les musiciens de son époque. Il s'en va dans les cabarets, joue au maximum. Et quand il rencontre ses patrons, il se rend compte, évidemment, comme la plupart des gens de cette époque, ce sont les mafieux qui dirigent la place. Ouais. Or, les mafiosos ne sont pas des cœurs durs. Ils aiment la musique, ils encouragent les musiciens de jazz. Il y a un livre que j'ai lu d'un monsieur Morris où il fait le parallèle entre le jazz et les gangsters. Il dit sans leur apport financier, c'est eux qui finançaient non seulement les cabarets parce qu'ils avaient, avant la prohibition, ils avaient la possibilité de tirer les ficelles de l'alcool, mais ils avaient aussi la mainmise sur les maisons d'édition à un certain moment donné. Ils avaient décidé peut-être de faire la promotion de certains artistes. Et comme Waller était apprécié que sa musique était belle, bien entendu. On lui a vite mis le grappin dessus en lui disant, ben écoute, il y aura peut-être quelques sous à faire avec toi. Donc, les cabarets associés au Quai Morgan, puis plus que voilà. Ça, les soirées privées. Bien sûr. Et là, il se passe un truc comme il ne peut s'en passer que dans ces milieux. Alors qu'il est en train de jouer avec un contrat où il doit jouer pratiquement toute la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, il termine, comme on dit chez nous, sa gig en bon anglais. Ouais. Et il a à peine le temps de se retourner et il y a deux espèces de bonhommes qui lui posent pas de questions, qui lui demandent pas son nom. Il l'agrippe par le collet de la chemise et l'embarque dans une voiture, une espèce de grande voiture luxueuse, genre limousine. Et là, il a beau poser des questions, mais les deux sont de marbre. Et là, il se dit, ça y est, mon heure est venue. En plus, Fats Waller est noir. Alors, comme les deux gars sont blancs, il se dit, il doit avoir un souci, peut-être à cause de la ségrégation. Est-ce qu'ils veulent me faire la peau? Il dépose Fats et les deux molosses devant une porte. La limousine s'en va. On ouvre la porte et qui est-ce qui les reçoit? Nul autre qu'Al Capone. Donc, c'était une surprise qu'on faisait à Al Capone. Il se trouve que Capone, c'était en fait... Waller va le comprendre assez vite. C'était probablement le plus grand fan. Il avait tous les disques, il espérait le rencontrer. Et plutôt que de lui faire une proposition de visu, il a envoyé ses hommes. Et là, Fats a été obligé, malgré sa fatigue, mais tellement heureux. Ouais. Il y avait plein d'invités, la fête battait son plein. On l'a installé au piano et pendant 3-4 soirées, il reste à demeure. On lui donne de l'argent, de l'alcool, de la bouffe. Il va jouer pour les plus grandes têtes du... milieu de la mafia new-yorkaise. Est-ce que c'est cette pièce par laquelle Al Capone a découvert notre ami Fats Waller? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ce qu'on vient d'entendre, Muscle Shoals Blues, c'est la première pièce qu'il va enregistrer en 1922. Oui, c'est encore un adolescent. Il a 18 ans. Il vient de remporter les concours, il sillonne les cabarets et déjà, la précision du jeu, l'enregistrement est mauvais parce que ce n'est pas enregistré au micro, c'est un enregistrement qu'on dit acoustique. Donc, on avait un énorme pavillon, on installait le piano devant et malgré tout, on entend que le jeu est clinquant, ça swing extraordinairement bien. Il a compris ce qui plaît au public de cette époque-là. Ouais. Et il fait une synthèse du jazz au piano. C'est un orchestre à lui tout seul. On raconte que ses mains étaient surdimensionnées. Il pouvait faire, si vous êtes musicien, vous prenez un piano, vous touchez le do et vous allez jusqu'au sol. Généralement, les bons pianistes qui ont des bonnes paluches, comme moi, font de do à mi. Donc, ça fait un octave et deux notes. Et lui, vous rajoutez mi, fa et sol. Et c'est ce qui explique que son jeu était si évolué et si riche parce qu'en faisant comme ça un octave et une quinte, on avait beaucoup plus de points d'appui. Il y a très, très peu de pianistes qui arrivent encore à jouer les transcriptions de Fats Waller parce que ça demande d'abord d'avoir la constitution physique pour le jouer. Et à la vitesse à laquelle ça passe, souvent, ces notes-là sont superflues. Mais lui, Fats, n'en ratait pas une, il les jouait toutes. Ouais. Et après avoir enregistré donc Muscle Shoals Blues, la même année, en 1922 toujours, Fats Waller passe à la QRS où il enregistre ses premières compositions. Baby, squeeze me and squeeze me again. Baby, don't stop till I tell you when. Baby, squeeze me and kiss me some more. Just like you did before. Squeeze Me, première composition de Fats Waller, qui va vraiment être un compositeur très, très prolifique. Et si ça, c'est la première, il y en aura quoi, 400 quelques qui vont suivre. Oui. Entre autres, une riche collaboration. Il va rencontrer, autour de 1924-1925, un gars qui s'appelle Andy Razaf. Et ce duo-là va faire des malheurs. Ah oui, celui qui se prétend, on n'est pas trop sûr de la source, qui serait le fils du grand-duc de Madagascar, mais qui travaille comme garçon d'ascenseur dans un hôtel. Il écrit des chansons à temps perdu. Il a de l'esprit. beaucoup d'humour et, à l'égal de Fats, il adore veiller tard. Ouais. Il a trouvé, en fait, son alter ego. Ce que Waller va faire en musique, ben Razzav va l'apporter en parole. Et les deux vont créer Ain't Misbehavin' et Honeysuckle Rose. Déjà, juste ces deux titres-là, c'est déjà toute l'histoire du jazz des années 20 et 30 qui vous est offert sur un plateau. No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Yes, just for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting. It's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Cette pièce, donc, Ain't Misbehavin', c'est le grand succès, Steve Normandin, de Fats Waller. Ah, définitivement. D'abord parce que non seulement la chanson plaît aux jazzmen, mais ça devient une pièce de musique et de chansons populaires. En fait, Waller s'adressait à une certaine époque par sa façon de jouer le stride. C'était de la musique de jazz qui était créée pour la danse. Mais à partir du moment où Fats Waller, dès qu'il se met à enregistrer sa propre voix, entre le premier enregistrement de 1922 jusqu'en 1931, on n'entend que le piano de Fats Waller. Ouais. Et avec Ain't Misbehavin' et surtout sa façon de chanter si particulière, son phrasé en demi-teinte, ça ouvre l'horizon et les gens se rendent compte que finalement, oui, le jazz, ça peut être quelque chose, pour l'Amérique des années 20 et 30, que ça peut être quelque chose qui n'est pas élitiste. Ouais. Il devient beaucoup plus accessible. Puis peut-être que cette façon d'écrire des chansons, Waller l'avait bien travaillé, bien peaufiné auprès des gens qui l'accompagnaient. Il a travaillé avec Louis Armstrong avant d'être lui-même une grande vedette. Il a accompagné des chanteuses qui sont oubliées aujourd'hui, mais qui étaient Sarah Martin et Hazel Mayers. Ouais. Il a sillonné les États-Unis. Pour lui, je pense que l'aspect du piano était une chose, et quand il est devenu ce qu'on appelle les entertainers, oui, quand il s'est mis à être une espèce de bouffon et en même temps un grand compositeur, parce qu'il fallait écrire merveilleusement bien comme il savait le faire, il avait un sens mélodique évident, ça a vraiment permis à Waller de garder le cap et de faire une carrière peut-être plus près des gens qu'une carrière de... Oui, c'est ça, plutôt qu'une carrière élitiste. St. Louis Blues, un autre grand succès de Fats Waller. Là, on est complètement ailleurs de ce qu'on vient d'entendre, mais ça fait aussi, on ne peut pas faire une émission sur Fats Waller, Steve Normandin, sans parler de l'orgue qui a été très, très importante dans sa vie. Bien sûr, je voudrais juste préciser que c'est W.C. Handy qui est le compositeur de St. Louis Blues, bien que ce soit Waller qui l'ait mis au goût du jour grâce à l'orgue. Et l'orgue, c'est très particulier chez Waller parce qu'il est en fils de pasteur. Pour lui, l'orgue qu'il a entendu durant sa jeunesse, c'était une musique d'église. Or, dans les années 20 et les années 30, mais surtout juste au moment charnière, au moment où le muet, le cinéma muet, ouais, vient qu'à céder le pas aux parlants, on avait installé dans plusieurs théâtres, et quand ils étaient plus grands, ça faisait presque office d'église, mais il y avait des orgues pour accompagner la musique ou encore certains spectacles dans les lieux où on diffusait des films. Et lui s'était pris de ce son-là et il a toujours joué de l'orgue en parallèle, mais il l'a transformé. En fait, ça a été un des premiers à utiliser l'orgue comme un instrument de jazz et de swing. Ouais. Or, quand arrive la version électrique de l'orgue, qui est l'orgue Hammond, pour lui, ça va être tout à fait naturel et il va être un des premiers à montrer qu'on peut utiliser le B3, comme on l'appelle, pour faire du jazz et il va s'accompagner, mais divinement bien. C'est à un point tel que beaucoup de gens font vraiment une distinction nette entre le Fats Waller chanteur et pianiste, ouais, et le Fats Waller organiste. C'est deux musiciens différents, bien que tout à fait complémentaires, puisqu'il s'agit du même horizon et de la même musique. Mais vraiment, on doit à Waller cet apport au jazz d'avoir intégré l'orgue comme il a subi bien le faire. Un dernier extrait qui nous montre peut-être l'ambition comme compositeur, comme musicien qu'il a eu à un moment donné. Il est en tournée en Europe et il va composer ce qui suit. Ce qu'on entend, c'est en 1938 que Fats Waller la compose, sa fameuse et sa célèbre London Suite. Ce qui est intéressant dans cette émission, Steve Normandin, c'est qu'on aura pu entendre vraiment différent Fats Waller. Celui qu'on vient d'entendre, comment vous le décririez? Bien, c'est celui qui se retrouve face à un énorme dilemme. Le jazz prend une tournure dans les années 35-36 entre des purs et durs qui défendent le point de vue de la musique de danse, tels que Duke Ellington et Count Basie, avec des arrangements orchestraux très, très alambiqués, très sophistiqués. Ouais. Et ceux qui veulent faire du jazz encore l'endroit d'amusement, en fait, l'espèce d'esprit de fête et de beuverie tel que l'avait toujours connu Fats Waller. Or, Waller, en tant que musicien, voulait se dépasser aussi. Il voulait vraiment gagner une espèce d'admiration du public. Il l'avait, bien entendu. Ouais. Mais on disait toujours, « Ah, ben vous savez, Fats qui fait ses grands yeux au cinéma et qui joue du piano et qui nous fait des petites blagues par en dessous. Ah, comme il est drôle. » Or, il voulait aussi faire de la grande musique, toujours en restant dans l'esprit du jazz. Il ne voulait pas devenir Ravel ou Stravinsky, loin s'en faut. Mais il voulait amener lui aussi un élément de composition beaucoup plus élaboré, comme l'avait fait Ellington. Alors, lors d'un voyage en Europe, il décide, pendant qu'il est à Londres, il est très à l'aise avec les Londoniens qui lui font un accueil triomphal. Il commence dans sa suite d'hôtel, c'est le cas de le dire, mais il décide de composer quelque chose qui évoque son voyage, son périple en Grande-Bretagne. Et ça donne le London Suite qui est formidable. Sauf que le London Suite, il n'aura pas la chance de le jouer aussi souvent qu'il souhaiterait sur scène. D'abord parce que les débuts londoniens de Fats Waller, au moment de la création du London Suite, alors qu'il avait fait des tournées triomphales, il se trouve qu'il se pointe sur scène complètement saoul. Et ce qui devait être un triomphe, en fait, les critiques sont très mitigées en se disant « Est-ce qu'on est en train de perdre un génie de la musique? » Ouais. Il veut avoir de bonnes idées, d'accord, mais il faudrait qu'il puisse se tenir et il va sortir de cette expérience troublée et perturbée à un point tel que lui qui avait déjà des soucis d'alcool va vraiment plonger et ça va même précipiter sa fin parce que mourir à 39 ans, il avait abusé de la nourriture, oui, des nuits à n'en plus finir. C'est un fumeur invétéré, mais vraiment, l'alcool avait fait un travail de salopage de son corps, si vous voulez. Et sa mort va être le reflet de ça, en fait. C'est une mort toute bête. Il essayait de se sortir de ses problèmes d'alcool. Il essayait de faire en sorte que ça fonctionne. Et finalement, c'était rechute par-dessus rechute. Ça a été une embolie qui a malheureusement causé sa mort. Et le métier avait à ce point évolué. On a bien constaté son décès, mais il a fallu les rééditions à partir du moment où le micro-sillon est arrivé pour qu'on remette les disques de Fats Waller au goût du jour et que là, on réalise à quel point son héritage était important. Steve Normandin, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de l'héritage de Fats Waller. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète. Merci, Steve. Merci aussi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.